Bwana abariki kila dada na kila nduku. Que le Seigneur bénisse chaque frère et chaque sœur. Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila nduku na kila dada mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Tunasalimia pia banduku yetu na badade tu bale wanatufuata mjia mtandao. Que de riches bénédictions de la part du Seigneur reposent sur chacun de vous. Mabaraka mingi ya kutokea kwa Bwana ipate kwa yulu ya kila mmoja wenu. Nous savons une seule chose. Tuko tuna kitu kimoja. Jamais dans l'histoire du christianisme. Kamwe mwadisi ya kihistoria ya Biblia. Et d'après la parole de vérité. Na kufatana na neno la kweli. Il n'y a pas eu une seule rencontre. Akuya kuyaka mkusaniko hata moja. Et il n'y en aura point. Na ita kuyaka ko kamwe. Où les vrais adorateurs soient rassemblés. Mule babudwai ba kweli banawezu kusanika. Et que le Seigneur lui-même ne soit pas de la partie. Na Bwana yeye mwenyewe akose kupatikana katikati yabo. D'après sa propre parole, il dit ceci. Kufuatana na neno yake mwenyewe anasema hivi. Matthieu, Marc chapitre 16, verset 19 et 20. Marco 16, musari ya 19 na 12. Restez assis encore un moment. Mubakie kwanza wenye wikala kwa muda. Marc 16. Marco sura ya 16. C'est Jésus lui-même qui parle. Ni Yesu yeye mwenyewe ule kunasema. Et ce que Jésus déclare demeure la vérité. Na bile Yesu kunasema bitabakia vya kweli. Il ne peut pas revenir corriger ça encore. Hawezi kama kurudia na kuvinyolosha tena vitengeneza pale. C'est parfait et c'est prouvé. Na biku kamilifu na ni bienye kupimwa. Verset, nous pouvons commencer au verset 15. Tuanzie mstari wa 15. Puis il leur dit. Kisha akabaambia. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mwendeni ulimwengu mzima na mhubiri habari njema kwa watu wote. Kuara. Ula taamini. Et qui sera baptisé. Na kubatiziwa. Sera sauvé. Ataokolewa. Ce qui fait quand l'évangile est prêché, manake wakati injili inahubiriwa, un homme une femme croit véritablement, mwanamke wala mwanamume akiamini tu kweli kweli, il doit expérimenter le salut. Anapashi kuonja wokovu. S'il n'expérimente pas le salut, kama yashi onja wokovu, il y a quelque chose qui ne va pas de son côté. Manake ku kitu akiendeke kwa ngambo. Mais d'après Dieu, alakini kufuatana na l'évangile est annoncé, wakati injili inahubiriwa, celui qui ouvre son cœur et que wake. Dieu parle à son cœur, na Mungu anasema na moyo il doit expérimenter le salut. Anapashi kuonja wokovu. Amen. Amina. Non seulement cela. Aina paka ile tu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Tazameni miujiza ile tasindikisha wale wataamini mujina langu. Les sauvés expérimentent ces choses. Benye kokolewa beko naonja maneno haya. Il faut pas présenter des excuses frères sœurs. Hapana kuonesha masababu, hapana kuna sauvé. Kama usha kokolewa. Tu es né de nouveau. Umeshazaliwa mara ya pili. Tu es en droit de chasser les mauvais esprits. Huko na ruhusa ya kufukuza commençant par ta propre vie, kwanzia kwanza maisha yako mwenyewe, moyo wako mwenyewe, ainsi de suite. Na vinginepo. Non seulement cela. Aina paka ile. Regardez tout ce qu'il essaye d'énumérer. Tazameni ile yote anatoka mkutania. Personne sur la terre n'est là obligé à déclarer des choses comme ça. Hakuna mtu hata moyo hapa dunia alimulazimisha kusema hivi. Si les a déclaré, kama alibisema, c'est parce qu'il est en mesure de les exécuter. Ni jue komu kimo ya kubitenda. Et les croyants, na baminifu, et s'attache à ce que Dieu a déclaré. Sachant qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu est vrai. Ce qu'il dit, c'est la vérité et cela doit être prouvé. Non seulement cela. Après qu'il leur ait déclaré ça, verset 19, Le Seigneur, après leur avoir parlé, lui a enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Écoutez maintenant. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et les Seigneurs croisèrent le bras au ciel. Non. Il savait qu'il est responsable. Alijua seme kuna buzito. Il a fait des promesses. Alilaka malako. Et lui-même doit suivre ses adorateurs. Demnyewe anapashi kufuata babudwai bake. Ils s'en allèrent prêcher partout. Bakaenda kubiri fazi yote. Le Seigneur travaillait avec eux. Bwana Mungu alikuwa anatumika pamoja nabo. Amen. Amina. Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Waibrania 13:8 na même ce matin, wa jana, leo na milele, hata asubuhi ya leo. Les vrais adorateurs qui y a ici. Wabudwai vya kweli venye kuwa hapa. La présence du Seigneur est avec chacun de nous. Uwepo wa Bwana Mungu iko na kila mmoja wetu. Et si la présence du Seigneur est avec chacun de nous. Kama uwepo wa Bwana iko na kila mmoja wetu. Ces choses doivent être expérimentées là où il y a les vrais adorateurs. Ibibi tu bana pasi kubionja. Il travaillait avec eux. Nabo. Et lui-même confirmait la parole. Ye mwenyewe alikuwa anahakikisha neno. Donc en d'autres termes, namna nyingine ya kusema, kuanzia kuimi mbali, il faut que la parole soit prononcée, proclamée. Neno la Mungu itangaziwe. Que le Seigneur, l'auteur de cette parole, Bwana Mungu mwenyewe neno, la confirmer dans chaque homme, dans chaque femme. Atakuwa kuihakikisha ndani ya kila mwanaume. Pas le prédicateur. Hapana mhubiri. Mais le Seigneur, lakini Bwana, est dans l'obligation. Eko katika mapasha. Toutes les fois que sa parole est proclamée. Qu'il vienne confirmer cela. Akuja na kuyakikisha. Prouver que c'est la vérité. Akwe kuhakikisha sema ni kweli. S'il ne le fait pas, kama ashifanye vile, il n'est pas le vrai Dieu. Manake ana Mungu wa kweli. Mais puisqu'il est le vrai Dieu, na vile ku Mungu wa kweli, il doit le faire. Anapashi kufanya. Chaque fois que le rassemblement des adorateurs se fait. Kila wakati mkusanyiko wa babudwai wa kweli inafanyika. Amen. Amina. Et je crois de tout mon cœur que le seul groupe des adorateurs vrais, c'est ici. Naamini na moyo wangu wote ya kwamba kundi tu moja wa babudwai wa kweli ni hapa. Hivi basi, quand les vrais adorateurs se rassemblent, wakati babudwai wa kweli wanakusanyika, en aucun moment ils repartiront comme ils sont venus. Hakuna wakati hata moyo ile watarudia paka vile walikuja. Parce que le Seigneur est là. Tu Bwana Mungu yuko pale. Selon les dispositions de vos cœurs. Ni kufatana na taarisho ya mioyo yenu. Parce que la Bible dit. Tu Biblia nasema. Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Inapashula na mukaribia Mungu. Voit que Dieu réellement est vrai. Amini ya kwamba kweli kweli Mungu ni wa kweli. Et qu'il va faire quelque chose pour moi aujourd'hui. Na atanifanyia kitu kwangu mimi leo. Hebreux 11 verset 6. Hebrania 10 na 11 verset 6. Il faut que toi qui es venu ma sœur, mon frère. Même vous qui êtes au balcon. Wa atamwe bale ku balcon. Soyez dans l'attente que. Mko mkongoje ya kwamba. Nina kuya kufuata Mungu. Je suis venu écouter Dieu. Situation ni kunayo. La situation que je. Mungu afanye quelque chose njuu yangu. Que Dieu fasse quelque chose pour Abana moi. Abana mubiri. Va le prédicateur. Mais Mungu lo nafuata. Mais le Dieu que tu as suivi. Jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Son nom c'est le Seigneur. Afanye quelque chose njuu yako. Qu'il fasse quelque chose pour toi. Bwana mibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Tuimbe kwa mwimbo moya naye. Nani wakatanguza? On chante d'abord un cantique. Nous inclinons nos têtes. Tunamishe vichwa vyetu. Seigneur, merci. Bwana asanti. Parce que en vérité tu es Dieu. Kweli kweli wewe ndio Mungu. Tu es le seul être vivant. Kupeke yako mwenye kuwa na bushima. Qui n'a reçu de personne la vie. Ulashikupoke bushima wa kutokea kwa mtu hapana. Mais tu es celui qui communique la vie. Lakini wewe ndio unaleta bushima. Et personne ne t'a rencontré véritablement. Na hakuna mtu hata mmoja aliyokutanishana bia kweli. Et reste le même. Na kubakia paka ule wa zamani hapana. Tu es le seul être. Ukupeke yako ule. Mis en contact de quoi que ce soit. Kisha kutanishana na izuru kitu gani. Cela affecte. Ile tashikwa. Tout le environnement. Maintenant, aide-nous ce matin. Le peuple qui est rassemblé ici, ce ne sont pas un patrimoine d'un homme mortel. Tu as accepté de devenir homme pour chaque frère et pour chaque sœur. Et l'œuvre a été accomplie parfaitement pour que chacun de nous expérimente le salut. Pour que chacun de nous soit bénéficiaire de toutes les bénédictions rédemptrices. Et en aucun moment ton peuple peut se rassembler et que toi tu fasses défaut. De tout cœur nous croyons que tu es ici ce matin. Maintenant, ouvre les yeux des aveugles. Fais quelque chose pour la sœur et pour le frère. Même pour moi-même aussi. Nous croyons que tes paroles sont vraies. C'est toi qui as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Seigneur, nul n'a appelé chacun de nous. Tu es celui qui attire. Et puisque c'est toi qui nous as attirés, du fond de nos cœurs, nous sommes convaincus que ce message est la vérité. Nul ne les a convaincus. Seigneur, si ce n'est le Saint-Esprit. Et tu nous as convaincus pour que nous soyons bénéficiaires de ce que ta présence peut accorder. Accorde-le-nous ce matin. Brise le pain. Guéris le malade. Pardonne les pécheurs. Sauve les perdus. Accomplis tous les signes possibles, Seigneur. Que tout soit fait pour ta gloire et non pas pour un homme. Sonde le cœur véritablement. Tu connais chacun tel qu'il est entré. Qu'il ne soit pas ainsi à son retour. Visite-nous ce matin. Seigneur, comme autrefois tu visitais ton peuple. Nous sommes un peuple en détresse. Nous sommes des malheureux. Mais seule ta présence peut nous faire du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Tu es notre seule consolation. Fais quelque chose pour nous. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Marc chapitre 4. Marco sura yake ya 4. Marc chapitre 4 verset 41. Marco sura ya 4 mstari wa 41. Ils furent tous saisis d'une grande frayeur. Bakashikwa bote na boka mkubwa. Et se dirent les uns aux autres. Na bakambiana pamoja kwa wengine. Qui est donc celui-ci? Uyu basi ni mtu gani huyu? À qui obéissent le vent et la mer? Ule na mpepo na bahari iko na muti. Cette question est valable même ce matin. Iulizo ingariki na mafata asubuhi ya leo. Savoir. Tunapashi kujua. Cet homme-là. Huyu mtu ni mtu gani? C'est qui? Ni nani? Et qu'il fasse quelque chose pour nous. Na apate kutufanyia ako kitu. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir. Unawezi kuikala. C'est depuis mardi. Nitangia mukazini. Mercredi, jeudi, mukazi tatu mukazine. Que nous étions occupé à exploiter ce petit thème. Quel est donc celui-ci? Nous disions avec insistance ceci. Que c'est déplorable, c'est d'après même le témoignage de Frère Branham. Dans la prédication, que pensez-vous de Christ? Il dit c'est vraiment déplorable. C'est ça la faiblesse de l'Église. L'Église, ce n'est pas ce bâtiment. C'est chaque frère et chaque sœur tel que vous êtes rassemblés. C'est une très grande faiblesse pour nous aujourd'hui. De ne pas bien connaître le Seigneur Jésus. C'est très facile ici. Même pour nos enfants de l'Écodie. Ils savent que le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Mais cela n'est qu'une récitation. Parce que d'après la Bible, il faut que tu en reçoives une révélation. Il n'a pas choupoqué ou fournu. Sans révélation, tu ne fais que répéter ce que le prédicateur dit pendant des années. 1 Corinthiens chapitre 12 dit ceci. Faites très attention, ma sœur, mon frère. Ne fais pas attention, ne fais pas cas de nombreuses années passées dans le tabernacle. Ne fais pas attention à la crédibilité que tu as de l'homme de Dieu, le pasteur. Tu dois toi-même t'arrêter et t'interroger du fond de ton cœur. Que réellement, je suis connu de Dieu. Dieu me connaît. Je le connais aussi personnellement. Toute autre chose n'est que formalisme religieux. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire, suivez maintenant, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Amina. Donc, il y a autre, c'est moi qui ai côté Nico, récitation. Manake, tout ce que tu as toujours dit, c'est tu sais le corbeau et le renard. Mais il faut que le Saint-Esprit te vienne en aide. Quand tu dis maintenant que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui mon Seigneur et mon Dieu. Et là, tu dois être provoqué par le Saint-Esprit en toi. Dans le cas contraire, tu fais de la religion. Manake, on a fait tout qui dit ni. Mais au Kambov Tabernacle et dans le message du temps de la fin. Alors nous ne voulons pas que les gens soient en train de perdre leur temps comme ça. Dieu doit te rencontrer individuellement. Tu dois avoir un témoignage direct du Seigneur lui-même dans ton cœur. Sans cela, tu es membre de très longue date. Qui a été épousé vierge dans le tabernacle. Mais cela ne peut pas t'amener au ciel. Amen. Amina. Cela ne peut pas t'amener au ciel. Tu es membre de très longue date depuis le Kodim parce que ce sont les parents qui t'ont amené ici. Et à un moment, tu es monté dans l'assemblée. Tu t'es même fait baptiser. Sans que le Saint-Esprit soit auteur d'une relation entre toi et Dieu. Bila Romu takatifu kuwa mumapatano yako weye na Mungu. Amen. Amina. Alors faisons très attention. Mumbi tusopoke sana. Ces paroles semblent être moindres. Hii misemo iku naonekana sawa iti dogo. Alakini. C'est l'exacte vérité. Njo ukweli ya biakweli. C'est l'exacte vérité. Ni ukweli ya ubia kweli. Il faut que le Seigneur t'ait rencontré personnellement. Inapashi kwanza Bwana Mungu akutanishe na wewe kweli. Il ait parlé à ton cœur. Kusema na moyo wako. Qu'il t'ait convaincu. Apate kuhakikisha. Et qu'il t'ait vaincu. Na apate kukutawala kukuwina. Parce que c'est cela dans les choses de Dieu. Njo vile mubitu ya Mungu. Jérémie 20. Jeremia sura makumi mbili. Aina tena ya kucheza mambo tu ya kuya kucheza mambo mukanisa. Ce n'est plus le temps de venir jouer à la religion dans l'église. Jérémie 20. Jérémie sura makumi mbili. Verset 7. Mustari yake ya saba. Tu m'as persuadé. Ulinihakikisha. Pas que mon mari ou mes parents, non. Aina bwana yangu wala bazazi yangu hapana. C'est toi qui m'as persuadé. Ni we Mungu ndio ulinihakikisha wa milele. Et je me suis laissé persuader. Na mimi niliachilia nihakikishiwe. Ce n'est pas tout. Aina yote. Tu m'as saisi. Ulinishika. Ce n'est pas tout. Aya enea. Et tu m'as vaincu. Na uliniwina. Uliniwina. Tu m'as vaincu. Ba Christu ba diakweri. Le véritable chrétien. Ni bale Yesu anesha kubawina. Ce sont ceux-là qui sont vaincus par Jésus. Be quoi pa? Sont-ils ici? Yesu anesha kubawina. Jésus les a déjà vaincus. Sasa we mwenyewe. Mais toi-même. Angara maisha yako. Examine ta vie. Vitendo vyako. Exact. Kusema kwako. Ton langage. Ujulize unasha kuina ni Yesu. Pose-toi la question, est-ce que c'est Jésus qui t'a vaincu? Yesu ndio shokuina véritablement. Est-ce que c'est Jésus réellement qui te domine? A quoi tu te laisses? Ukuna chambula bwana. Continue à insulter ton mari. A quoi tu te laisses? Ukuna lapo paka senta toka mitenda kwetu. Tu ne fais que dire, je vais quitter mon mariage pour aller chez mes parents. Yesu. Jésus, c'est Jésus. Aneshokuina. Est-ce qu'il t'a vraiment vaincu? Ukuna sharatika mukanisa. Tu continues à te prostituer dans l'église. Ukuna kuna mpombe. Tu fumes, tu bois de l'alcool. Apana? Non. Il t'a persuadé que c'est le message vrai. Hakikisha kwamba ujumbe ni kweli. Inashimamia pale. Tu t'es fait baptiser. Na unabatizwa. Mais tu n'as jamais été vaincu par lui. Lakini hauyawiniwa na. Dans le christianisme, c'est de la religion des gens vaincus par le Seigneur Jésus. Ni dini ya watu wenye kuwiniwa na Bwana Yesu Kristo. Sasa bon, on a vu que n'a clair. Ça devient maintenant clair. Ba mingi lizo été persuadé. Nombre bari hakikishiwa tu. Et ils ont accepté. Na, walitikia. Oui. Ndio. Ce n'est qu'une étape. Ni kipande tu ya kwanza. Lakini hapa c'est l'affaire de ceux qui ont été vaincus par le Seigneur. Ni mambo ya wale walitawaliwa na kuniwa na Bwana Yesu. Même leur liberté a été arrachée. Ata uhuru yao walitukia. Leur volonté dépiéchée par le Seigneur. Mapenzi yao walitukia kwa Bwana. De sorte que Jésus-Christ est devenu leur volonté. Na muna kusema Yesu Kristo anakuwa njo mapenzi yabo. Bakwenda kumbingu beko hapa. Ya tu deja kiwa pa leo tena. Mena ouvre les oreilles. Musilale. Il faut pas dormir. Kama ni bwana yako. Si c'est ton mari. Kama ni bibi yako. Si c'est ta femme. Kama ni bazazi yako. Si ce sont tes parents. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Manake huku inje. La volonté de Dieu. La volonté ya Mungu. Et que quiconque Dieu attire. Ni ya kwamba yeyote le Mungu anamvuta. L'objectif du Seigneur. Kifukuziwe ya bwana. C'est de triompher sur cet homme-là. Ni ya kutawala yule ya ule mtu. Et sans cela. Bila ile. Pas de christianisme. Hakuna kikristo. Même si tu as été baptisé. Hata kama walikubatiza. C'est tout ce que vous voyez, des faiblesses que vous voyez ici. Bakwa benekwa vaincu par le Seigneur. Ceux qui sont venus kutawaliwa na Bwana. Bachache sana. Ils sont vraiment moindres, minorité. Tout le monde. Convaincu que frère Branham est Élie le prophète. Mwenye kwa na hakikisha sema ndugu Branham ndiye Élie. Convaincu que Matthieu 24, 47. Mwenye kwa na hakikisha sema matamu. Convaincu que les tonnerres sont faux. Ndugu Branham mwenye kwa na hakikisha sema la nouvelle lumière est fausse. Nuru mpya ni ya Mungu. Convaincu que toutes les dominations n'ont pas Dieu. C'est bien, ils sont convaincus seulement. Avez-vous été vaincus par le Seigneur? Et c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et chacun est témoin dans son cœur que jamais n'a été vaincu par le Seigneur. La preuve, regarde ce que tu manifestes comme nature, comme langage, comme comportement. Ce n'est pas Christ qui t'a vaincu. Il y a quelqu'un d'autre qui t'a déjà vaincu. Amen. Amina. Mais là, que feras-tu? Sainte Sainte nous secours. La Sainte Sainte, tu as déjà participé. Or, la Sainte Sainte est pour ceux-là qui ont été vaincus par le Seigneur. Voyez-vous, tu as commis l'erreur. Le christianisme, mon frère, si Christ en ce n'est pas une religion de discours. Non, non, mon frère, non, ma soeur, au Kambov Tabernacle, ce n'est pas un groupe de gens comme ça. Le Kambov Tabernacle, c'est des gens vaincus par le Seigneur Jésus. Et quand quelqu'un est vaincu par le Seigneur, c'est Christ qui commence à vivre sa propre vie dans cet homme. Dans cette femme. S'il n'en est pas ainsi, même votre baptême, c'est de la religion. Vous êtes à la Coran, interprète des sourds, caméramen et des équipes techniques, tout ça. Ce n'est rien. Avez-vous été vaincu pour aller à la Coran? Avez-vous été vaincu pour être au caméra, tenir nos caméras? Avez-vous été vaincu pour être à l'équipe technique? Toutes ces choses sont pour ceux qui sont déjà vaincus. Parce que toutes ces choses sont un patrimoine de celui qui est triomphant. Il ne peut pas donner ses affaires à des gens qui n'ont pas encore été vaincus. C'est clair maintenant. Tirez ça leçon toi-même. Frère, du coup, la Bible dit, je crois que c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 13, 14, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables, non seulement cela, il nous a transportés. Prenez ça, Colossiens chapitre 1. Cessons de tromper, de faire des mensonges. Tuacheni. Arrêtons de mentir. À la loi et au témoignage. Na si on ne parle pas ainsi, kama tuseme hivi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Kutakuwa nuru kutaifa ya Mungu. Colossiens chapitre 1, verset 12, 13, 14. Wa Kolosai sura ya kwanza mstari ya 12, 13, 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Tout ce que Dieu a pour les saints, vous en êtes héritiers. Vous en êtes héritiers. Alors dites-lui merci parce que maintenant vous êtes héritiers de tout ce que Dieu possède comme patrimoine. Ça c'est de 1. Verset 13. Il n'a pas fait que ça. Il nous a tu vois l'héritage des saints. Tu peux connaître ça. On a prêché les 70 semaines de Daniel. Tu connais, l'héritage des saints. Qui a la nouvelle Jérusalem. Que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Bientôt il y aura enlèvement. Tu connais tout ça. C'est même de la connaissance. Mais la connaissance ne suffit pas. Que faut-il? Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, je ne suis plus dépendant de Satan. Amen. C'est pour ceux qui ont été vaincus par le Seigneur. Ndani mwangu amuna tari nkucha ya shetani. Ataka nyuzi ka shetani. Kanyengele la kanamu. Inapake fesa. Delivre quelqu'un. Ivu sa mina kutosha kumikono. Mina bebe ishi kumikono yako. Me juske la atuyapan kintu. Juske la nyaria. Paske kifuguzio ya Yesu Kristo. Aina tuku kutosha kukwacha paka vile mumbalabala. Se ne pas seulement te retire. Il te transporte. Eko na kube. kubeba. Il te prend. Anakuchugua. Lui-même. Ye mwenyewe. Il va te placer quelque part. Atendo kuweka fasi fulani. En sécurité. Katika ukingo. Là où tu étais. Ule ulikuwa. Tu étais une marchandise pour tous les passants. Ulikuwa kitu kia bantu bote. Maintenant il t'arrache là-bas. Sasa anakutukunya kule. Et te place en sécurité. Anakuweka katika ukingo. C'est lui qui te mettait en pente. Ule alikuwa anakuhuzisha. Au tribalisme. Ukikabila. Au calomnie. Masingiziano. Au médisance. Machimango. Au jalousie. Ubuifu. À l'adultère. N'a plus droit de revenir te toucher. Anatena na rusa kurudia na kugusa. Celui qui est entre mes mains. Sasa ule kona uwe mikono yako. Personne ne peut le toucher. Hakuna wa kumugusa. Amen. Amina. Il nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption. Tukuna ukombozi. Libéré complètement. Après paiement d'un prix. Nous sommes libérés. Tunakuwa uhuru. De toute dépendance. Na yote ile ilikuwa natutawala. Toute servitude. Ile mutumwa bote. Libéré. Tunakombolewa. Na si venye mwile mukifalme mule. Nous-mêmes dans cette royauté. Tunajua ya kwamba. Satan n'a plus d'emprise sur nous. Hapa shetani hana tena na utawala yule yetu. Amen. Amina. Que Dieu aide chacun. Mungu asaidie kila mmoja. J'ai été même pardonné. Nadisa meewa. Satan peut venir me rappeler des choses, mais je lui dis une langue. Je lui t'amambia tu trompes. J'ai déjà le pardon. Neisha pour sa mehewa. Nashita luria kamuile maisha. Je n'y reviendrai jamais dans cette vie. Shita luria kamubile vitendo. Je ne retournerai jamais dans cette vie. Je ne retournerai jamais dans cette langue. Naisha, c'est fini pour moi. Je suis en sécurité. Niko katika ukingo. Pour que tu m'atteignes. Je vous passe kunishika. Unje kibambashi ya mwenye lupango. Brisez d'abord le mur du propriétaire. Je ne sais pas si tu le sauras. Mais t'approcher de la clôture, ukaribia kukuta, tu peux t'approcher. Unaweza ukaribia. Mais me tenir. Lakini kunishika. Hapana. Ah, c'est impossible. Munaona sasa Christianisme. Waifu mena kikristo. Munaona Christianisme. Waifu kikristo. Muntu eko hapa. Quelqu'un est ici. Eko nafuta ntumba. Et il continue à fumer la cigarette. Muntu eko hapa. Quelqu'un est ici. Eko na sharati. Il continue à commettre adultère. Muntu eko hapa eko na sharati. Il est ici mais il commet adultère. Il est ici. Un petit problème. Maman na baba njo barisema. Mais mon papa et maman qui a dit pendant qu'elle est déjà épousée. C'est Satan qui vous a vaincu. Ni shetani ndio anakutawala. Mais il t'a laissé néanmoins être persuadé. Anakuacha paka vile uhakikishiwe tu. Sinon. Voyez-vous? Mungu akusaidie busubu. Que Dieu t'aide ce matin. Urisha kubatiziwa. Tu es déjà baptisé. On a cura na Saint-Saint. Tu manges, tu baptises. Mais quand on t'observe en profondeur. Tu kuangalia katika ukana. Quand Dieu te fait passer dans son labo. Wakati Mungu anakupitisha mbipimo yake. Tu es vaincu par Satan. Unesha tawaliwa na shetani. Tu es vaincu par Satan. Unesha tawaliwa na shetani. Vaincu. Mwenye kutawaliwa. Wende ku Kinshasa, ku Lubumbashi. Ketu ya Kinshasa huwa Lubumbashi. Haina mambo. Ça, ce n'est pas un problème. A Lubumbashi. Ku Lubumbashi. Dans toute cette multitude. Mwile kundi ya watu. Il y a une poignée de gens. Muku kakundi ya watu. Vaincu par le Seigneur. Wenye kutawaliwa na Bwana Mungu. Mais toute cette multitude. Ala kinele kundi yote ya watu. Ils font ce qu'ils veulent. Beko nafanya bile wanataka. Dangar menaji. Ils font ce qu'ils veulent. Manyumba yabo wanafanya bile wanapenda. Font ce qu'ils veulent. Wanafanya bile wanataka. C'est pourquoi. Dieu quoi, man. Si tu connais cet homme-là. Kama ukimujua ule mutu. Qui a menacé l'eau et le vent. Ule alifoke en pepo na maji. Frère. Nduku. Et qu'il t'a parlé. Na kisha et kwambia. Et que tu es vaincu par lui. Na unesha utawaliwa naye. C'est fini, les ennuis tombent. Unamalizika matatizo yanaanguka. Tu seras un homme tranquille. Utakuwa mtu wa msalama. Un homme rassuré. Mutu mwenye kuwa na hakikisho. Que celui qui veille sur moi. Ya kwamba ni yeye ule akesha juu yangu. Que celui qui est dans le monde. Eko mkubwa kushindia ule kwa dunia. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi. Je kwa mana. Dire que Jésus est Seigneur et sema, tout ça, Yesu le message ni wana, de la vérité. Ujumbe ni ya kweli. Ce n'est pas un problème. Ya kwa mambo. Regardez, j'ai vu, j'avais aimé. A Lubumbashi. Kulumbashi. Vous trouvez des gens. Utakuta bantu. Comme il y avait eu dans le temps une prophétie sur la, notre assemblée de Mampala, c'était une vraie prophétie que l'épouse à Lubumbashi sera préparée à partir de Mampala. Et cela est resté un slogan pour beaucoup. La prophétie est vraie. Parce que quand la prophétie là a été donnée, l'église était encore à venaient de quitter Kabulo, ils étaient quelque part là. Kanisa ilitoka kwa Kabulo roje, ilienda kama nifashi fulani ile sijui tena. Et même personne ne croyait qu'un jour cette église ira finir par Mampala. Hakuna hata mtu mwaliyo akasema hii kanisa itaishia kule kumampala. C'est longtemps après. Kuna kwa kisha muda mrefu. Ils ont retrouvé Mampala. Wanajikuta sasa kwa Mampala. Wanakumbuka. Unakumbuka ile matabiri? Par nous, là, une petite assemblée en Brousse là-bas. Il est seulement quoi qu'est-ce que vous avez fait? La chose est là. Mais allez maintenant dans notre assemblée. Est-ce que tous les membres là ont-ils été vaincus par le Seigneur? Non. Apana. Allez voir comment les gens se comportent. Moi, je m'en garde. Il y en a qui éclaircissent encore la peau. Ma fiancée, il n'en dit à peine. Ma fiancée, commence par ici, ça brise par là. Ben, il commence par contre. Ben, il y a un canissa. Oh, ils entrent dans l'église. Ils sont tellement fatigués de tout cela. Ils ont conscience que Dieu connaît les siens. Ah, ben, tu m'as aimé à toi, ça m'a dit, ben, il y Amen. Amina. Et Dieu connaît réellement les siens. Mungu anajua bake. Si Dieu connaît les siens. Sapa Mungu anajua tena bake paifuashi. Bwana mbariki. Yele Seigneur vous bénisse. Maintenant, ne vous arrêtez pas à la simple confession. Sasa ushishimamie tu kukukiri mbele hapana. Usonge mbele. Priez que le Seigneur. Muombe Bwana. Devienne un triomphateur. Apate kwa waokutawala weye. Qu'il vous triomphe totalement. Akutawale kabisa kabisa. Pawe kuacha nzambi, kuacha bima mambo unaanza kufanya. Abina tena nguvu. Pour arrêter les péchés, tout ce que tu faisais, ça sera plus difficile pour toi. 1 Jean 3. Yohane wa kwanza 3 anasema hivi. 1 Jean 3. Yohane wa kwanza sura 3. 1 Jean 5 plutôt. Ni Yohane wa kwanza sura 5. 1 Jean 5. Yohane wa kwanza sura 5. Un Jean 5. Yohane wa kwanza sura yake ya 5. Verset 3. Mstari ya 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mapendo ya Mungu iko ni mkuchunga amri yake. Écoutez maintenant. Msikie sasa. Ses commandements ne sont pas pénibles. Amri yake haina nguvu hapana. Kufanya kile sauti ya Mungu inasema bina vya nguvu. Faire ce que recommande la parole de Dieu, c'est pas pénible. C'est pour tout le monde. Est-ce ni abantu bote? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce ni abantu bote? Hapana. Nipaka pale Yesu acha kuwina. C'est seulement déjà à qui Jésus a convaincu. Maintenant, vivre la parole pour eux. Kuishi neno la Mungu. Ce n'est pas compliqué. Aina tena nguvu. C'est maintenant très simple. Inakuwa sasa mwepesi. Comme bonjour. Sawa kulamkia na amjambo. C'est très simple pour eux. Inakuwa mwepesi kwabo. Teke teke. Sasa kama unaona. Mais si tu vois. Huku na kombana. Tu te bats. Si bwana kwa unasema mmeto atomari tu ah c'est pénible inakuingariki nguvu acha kufuata maseri televisheni paka na ngaika c'est encore pénible pour toi inakuingariki ngumu kwako que faut-il inapashi ufani il faut que Jésus Christ inakupashi Yesu Kristo ait triomphé de toi akutawale mbele qu'il t'ait vaincu apate kuwina. Tu es convaincu qu'une femme doit être soumise. Uko na hakikisho si mwanamke anapashi kutii. Dana umlamsho leo uko mbele yako. La serana réveille celle qui est devant toi. Il faut que tu es convaincu d'accord. Uko na hakikisho ndio. Mais il faut que le Seigneur t'ait triomphé. Inapashi Bwana Mungu akutawale. Bwana mbariki. Yele Seigneur vous bénisse. Tunaona, regardez même dans toute la Bible. Sasa mimi na tamu Biblia yote mzima. Observez du temps de Jésus. C'était très pénible de s'afficher pour lui. Même Pierre Ata Petro a paniqué le jour de l'arrestation du Siku Seigneur. Il a renié. Que le Seigneur bénisse. Regardez, j'ai aimé quand la Bible parle, c'est avec beaucoup de précision. Il y a un homme d'affaires en son temps. C'était un temps très risqué. Il quoi wakati moi ya hatari sana. S'afficher ya kuonekana. Pour le Seigneur. Asema mimi kwa kungambo ya Bwana mwili wakati. Prenez Jean 18. Mchugua Yohane sura 18. Attendez, je cherche. Musubiri kwanza ni itafute. Ça doit être... Attendez. Non, non, prenez Marc. C'est Marc, je me suis trompé. Marc 15. Marco sura 15. Regardez des gens, les choses, que les événements qui se sont déroulés. Marc 15, Marco sura 15, verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, écoutez comment la Bible précise, conseiller de distinction. C'était une notabilité en ces temps-là. Qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Regarde maintenant comment la Bible parle. Il osa. Il a pris le risque d'aller vers Pilate. En ce temps-là, effectivement, c'était de grands risques. Parce qu'il suffisait que Pilate dise, dis, venez, il y a encore un de ses membres ici. Parce que tout Pilate a fait ça, qu'on a quoi t'es dans mon membre ou à mon yeux. Tu sais ta propre mort. Oui, on a tiré ça, il n'y a pas quoi. On a tué un membre. Mais regarde Joseph d'Arimathée. Mais vraiment, c'est Joseph. On a fait ma, et koya, et ya. Ok, peu importe ce qui arrivera. Waza, et on est dans ta petite maïte. Il est allé chercher le corps. Il devait dire non. Que les disciples puissent aller l'enterrer. Parce qu'il n'y a plus rien à faire, il est déjà mort. Y avait-il à gagner dans un depuis mort? Faïda, pourquoi Faïda vous partiez à mon cousin? Il pouvait rester chez lui. Alors pas si vous partiez à quoi qu'il en soit. Mais la fête, mais les amis, à la qui les mambo, ils n'arrivent qu'à couner. Comment l'homme ici? Comme la canne où il monte. Est allé très loin, prendre des risques. Rien d'en bas, il a tout goûté à terre. Exposant, vous vous rappelez comme Atari. Toute sa distinction là. Ah, na il a estimé y a qui yo. Parce que ça, tout pouvait changer pour lui. Dieu ne veut pas que vous badiri capale pas les banombas. Mais il était convaincu. Arquana akikisho. Et sachez que. Na moyen kujua kwamba. Cet homme. Où il monte. C'est Dieu. Ni Mungu. J'accepte d'exposer ma vie. C'est ça la parole. Je ne peux pas m'en douter. Allez d'affronter Pilate. Il est allé affronter Pilate. On est passé maïti à Oulé. Donne-moi le corps de cet homme-là. Devant qui? Beleanani. Un grand gouverneur comme Pilate. Liwali mkubwa sawa Pilato. Pilate qui avait dit à Jésus. Pilato l'alimwambia Yesu. Il ne sait pas que j'ai le pouvoir d'ordonner qu'on te tue. Auyo sasa ndiko na ruhusa ya kuleta bakuue. Pilate avait ce pouvoir là. Pilate alikuwa na ile uwezo. Et Joseph d'Arimathée. Na Joseph huyo Arimathée. A accepté le risque. Alichukua ile. D'aller affronter Pilate. Alichukua hatari ya kwenda kwa Pilate. Akapima. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de la parole. Kwa ajili ya neno la Mungu. Na combien? Sasa bangapi? À cause de la parole, accepte de prendre position pour la parole. Malgré la tribulation, malgré l'épreuve, malgré la tentation, malgré toute la souffrance, combien accepte de prendre position pour la parole? Tu dis à Bongo? C'est faux. Aïe le christianisme. Ce n'est pas ça le christianisme. Christianisme. Vous êtes totalement convaincu et vous venez à l'église. Mais quand le moment arrive d'agir comme chrétien, vous agissez comme kassayen. Vous agissez comme kassayen. Vous parlez comme kassayen. Vous agissez comme selon votre maman vous a dit. Vous attendez que fatana vile mama kwalikwambiaka. Sasa, aba fasa, aba utafangani. Mena défense ceci, tu feras quoi? Ilikuwa ni maiti, ya pakukwe kini tutena pali. C'était là, depuis immortel, il n'y avait plus rien à faire. Unalaza kutunza, kupanchana, biote, achiana kufwa. Il faisait tout, il est maintenant mort. Sare, justement. Il pouvait dire non. Souple. Ah, il faut être prudent. Il faut ni chunge ma bien, yangu, na kabumia. Autant bien que je garde mes biens et ma famille, hein. Mais il a pris le risque d'exposer sa vie. Ya kupeleka maisha yake mwatari. C'est malheureux. Diaole. Jean. Yohane. Je vous donne un autre témoignage. Nami pacha ushuda ingi. Jean 19. Yohane sura 19. Joseph d'Arimathée, frère, Joseph Arimathée, il a cherché une tombe très chère. Je crois même bien que c'est papa. Je pense que sa femme et ses enfants sont restés dits. Amène seulement ta cotisation que tout le monde en terre. Il a dit non à Pana. La parole Neno mérite inastaili une grande considération. Et Shima Munene Sana. Je ne peux pas laisser ce corps, même mort, qu'on l'enterre n'importe où, non. Il faut que ça soit à un endroit de valeur. Parce que cet homme n'est pas comme tout le monde. Je pense même que ce frère biologique. Mais pourquoi tu dépenses beaucoup d'argent comme ça? Toutes vos histoires là de tabernacle. Munona des fois comme anasema mangaribi ba frère bote bakuye. Voyez-vous, des fois quand on dit que tous les frères viennent ce soir, savez-vous pourquoi ils ne viennent pas? Très peu ont été triomphés par Dieu. Bakilo konjoba ritawaliwa na Yesu Kristo. Sasa angalia kilo ya nani. Mene regarde ce que celui-ci avait fait. Ana sacrifié kaburi ya bei sana. Il a sacrifié une tombe très chère. Sérieux, quoi, ça va n'aider pas comme Malupenga. Il pouvait laisser qu'on aille l'enterrer dans les cimetières de tout le monde. Aritikia. C'était la portion de terre qui lui revenait. Il connaissait un conseiller de distinction. Mais il a dit non, non. À cause de Jésus, je sacrifie ma vie. Maintenant, combien de fonds? Mais ils sont baptisés au nom de Jésus. Jésus-Christ. Ayant pris même la Sainte Sainte. Pourquoi c'est pourquoi vous confiez. C'est pourquoi ça se fait. Ta sœur arrête. Il ne crée pas la peau. C'est un vécu qui l'a poussé. Frère, arrête un chrétien de film. Un chrétien ne vole pas. Arrête. Un chrétien ne contracte pas de dettes. Ce sont des vécu qui l'a poussé. C'est pourquoi le christianisme est quoi tout je crois en qui Christ qui couvre attends les mots mais comment vas-tu voir agir Dieu pendant que tu es dans un véhicule tu es comme un véhicule à pousser ah tu on a été au gari diapa ina gari c'est pourquoi vient de qui c'est pourquoi les choses ne marchent pas bah Christ les chrétiens bailleur locataire bailleur na locataire pendant quoi ça toka munyumbango allez sort de ma maison bah Christ des chrétiens ni toka kusukuma sima bah sont des véhicules à pousser vous les appelez chrétiens bah voisine des voisines elle trouve le chef mango il a jeté des sacs dans ma porte monsieur Kwendoko mes enfants il faut plus aller chez le chrétien ni toka kusukuma ce sont des véhicules à pousser Je fais qu'il a poussé pour s'alimenter. Ah, il me demande beaucoup de sel chez moi. Mais ce sont des fées qu'il a poussé pour s'alimenter. Dada, mon Christ, je ne ma série. Il ne crée pas ne visualise pas des séries. Mon Christ, je n'arrive pas qu'à dire. Vous lui rappelez. Il n'est pas né dans ce royaume-là. Il est au falme. Mon Christ, c'est le fait que, quand vous risquez de ne pas arriver là, vous partez. Oh, les garçons ne veulent pas, j'allais les violer. Ce jeune garçon, il m'a transporté, qui m'a violé. Tu es un véhicule à pousser. Akuna kia kukwangaikia weye tena. Il n'y a rien à faire. Akuna kia kukwangaikia. Jean 18. Yohane, sura 18. Suivez maintenant un autre monsieur. Verset 38. Non, prenez Jean 19. Moi, je me suis... Oui, attendez. Musubiri. Jean 19. Très bien. C'est Jean 19. Yohane 19. Regardons, on répète cet homme ici. Verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, en secret, vous voyez comment la Bible est, par crainte des Juifs, c'était très dangereux. Mais, mais cette affaire a échoué. Normalement, le bon sens... C'est fini, je me retire. Je croyais seulement en secret, maintenant je me retire. Mais lui, ça c'est yéyé. Lors du décès, c'est alors qu'il a pris maintenant. Demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, nous allons maintenant prouver ouvertement que celui-ci ça fait longtemps que je me suis caché, maintenant je vais l'afficher ouvertement. Vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloé. Essayez de traduire ça en valeur monétaire d'aujourd'hui. C'est beaucoup d'argent. Tu lui dis, mais c'est déjà un cadavre, vous n'allez plus rien faire. Il mérite beaucoup d'honneur. Anastaili maïshima ta mukufa kwake. Nous parlons comme ça pourquoi? Tout n'a fait mes. Il faut qu'il y ait des Nicodème et des Joseph. Il n'a pas choukoué va Nicodème na va Joseph. Qui sont-ils? Ni banani. C'est des frères. Ni bantuku. Et des sœurs. Na va dada. Qui ne sont pas connus. Va les vacher au Julikana. Mais dans les secrets là. Alakini musiri. Ils vivent toute la parole. C'est qu'on a ici neno la mungu lote. Maintenant où sont ces Nicodème? Va saber quoi puis va Nicodème. Où sont ces Joseph? Be quoi puis va Joseph? Qui à l'heure de l'épreuve, parce que c'était ça, le temps où jamais il fallait s'afficher comme disciple. Mais regarde ce qui arrive. À l'heure de l'épreuve, lorsque les choses se compliquent dans la maison, c'est par là qu'il faut manifester que tu es réellement chrétien. C'est lorsqu'il y a un problème. Ni pas membre. Lorsqu'il y a un problème. Ton mari manifeste la folie. C'est là que tu dois manifester que tu es chrétien. Venez regarder ce que nous avons. Ton mari manifeste la folie. Lui aussi, davantage. La femme manifeste la folie. Les maris aussi déjà. C'est au temps de l'épreuve que les gens qui ont été vaincus par le Seigneur manifestent Jésus-Christ. Or c'est ce qu'on ne voit pas. Japon, job, locataire qu'on a pas magique. Locataire manifeste la folie. Toi, on est pour Christ. Manifeste que tu es un chrétien. Pakirio, Odeye. On est ça pour Christ. Il faut manifester que tu es chrétien. Oh frère, Ronduku, tu chunges un bel mouviala kouye. Attendons d'abord le mouviala, celui qui a les mots de la fin. Si tu n'as pas ça, c'est image côté musulman. Mais nous te considérons chaque fois que tu es un chrétien en secret. Famille nasema. Oh, la famille a dit. Oh, c'est la famille qui a dit. Je ne peux pas vraiment... Mais nous sommes au temps de l'épreuve. Tout le monde a dit à ma djaribu. C'est maintenant qu'il faut manifester ta propre foi. Je sais que c'est le temps de l'épreuve. Est-ce que l'église... Maintenant, appliquez ça à aujourd'hui. Les temps seront très difficiles. Dans ces temps difficiles, que le Christ il faut voir. Que les chrétiens doivent être manifestes. Avez-vous bien compris? C'est au temps difficile qu'il faut maintenant qu'on ait Christ. Qu'on doit voir des chrétiens. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils des chrétiens? Voyez-vous? Autant difficile. Mwakati yangu. Bakutakata bananze kutaka. Et alors les gens qui continuent à amplifier la peau. Ah frère, on cambove ma règlement na cambove vous avez beaucoup de noix. Alors on ne poursuit pas les gens comme vous le faites ici. Ah chaque fois on est dans ma news ba. On met un peu ceci. Non, je m'en vais. C'est autant difficile. Le mwakati yangu vous. Que mon Christ soit dans nos canaux. Que les chrétiens doivent être manifestes. Il y a des gens qui t'ont emprunté sans payer. Un frère a pris ton argent, une sœur a pris. Il n'a pas payé. Toute l'église est informée. Kanisa yote muzima inayua village ya kuri pandeni. C'est ton temps aussi. Wakati yako na wanyi. De manifester, d'agir comme Nicodème et Joseph d'Arimathée. Ya kutenda sawa Nicodème na ule Joseph d'Arimathée. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un homme et une femme dans la Bible. Frère. Nduku. C'est Agar. Ni Agar. Elle s'était mal comportée vis-à-vis de Sarah. Et Sarah a demandé à Abraham qu'on la chasse. Na Sarah a commandé à Abraham, c'est mon mufukuze. Abraham, malgré toute la peine, Abraham, et tout ça, ta ville est rumpenda, il a accepté. Arichikia. Agar est parti. Agar arienda. Arrivé au désert. Kufika mule mujangwa. L'ange. Malaika. Lui apparaît. Akamonekania. C'était l'unique occasion. Anashikiaka tu Abraham et qu'on a sema Mungu, Malaika. Il entendait chaque fois Abraham parler. Dieu m'est apparu, il m'a dit. Mais l'unique fois où Agar, il est Agar était face à l'homme de Dieu, l'ange lui dit, Malaika kamwambia, prenez ça, c'est dans Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Mwanzo sura ya 16. Hivi vitu vyote tuko na visema frère, haina njoo tu ya kupata kufahamu. Toutes ces choses nous les disons, c'est n'est pas seulement pour l'église est malade. Iko malade. Elle est malade. Bantu wanakawa sana. Les gens ont fait longtemps dans l'église. Wanajua ils connaissent beaucoup de choses. Mais pourtant tuko naishi mwakati huu. Et pourtant nous vivons. Dans une période où les véritables chrétiens doivent être manifestés. Et ces paroles qui sortent. Jésus aide chaque frère et chaque soeur. Celui qui est de Dieu. Qu'il pleure en voyant ses actes. Genèse 16. Mwanzo sura 16. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Malaika wa milele akamukuta pembeni ya chemchemu wa maji mule mujangwa, yenye kwa kuchemchemu ya munjia mule kushuru. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar kijakazi wa Sarai, unatokea wapi na unaenda wapi? Elle répondit, je fui loin de Sarai, ma maîtresse. Akamujibu, niko na mkimbia, na kimbia uso. L'ange de l'Éternel lui dit, Sarai, retourne vers ta maîtresse. Malaika wa milena akamwambia, urudie kwa mama yako wa kazi. Et humilie-toi sous sa main. Na urinyenyekeze chini ya mkono yake. Point 3. Kunaishi. Malaika... Et l'ange a disparu. Agar alfangani. Qu'est-ce qu'Agar a fait? Na mini kumuntu. Moi aussi je suis humain. Muni comprendre. Comprenez-moi. Frère. Nduku. Niku fasirie mbele muzuri. Je vais d'abord t'expliquer ça clairement. Bapagano vale tukunapo. Ce sont des païennes que nous avons. Ni j'expliquer. Je m'explique un peu. Uyu alikuwa baptisé au nom de Jésus. Est-ce que celle-ci était baptisée au nom de Jésus? Alikuraga Saint-Saint. Avait-elle participé mais à la Saint-Saint? Mais n'est-ce pas ici, il y en a qui ont déjà participé à la Saint-Saint. Une petite parole. Agar n'a pas réfléchi. Agar a shikufikili. Anakeuka. Elle s'est tournée. Que dit la parole? Neno la Mungu inasema hivi. Retourne. Ugeuke. Et humilie-toi. Na ujinyenyekeze. Elle a obéi. Da Sara. Sœur Sara. Mina Luri. Je reviens. Unirumie kwa sana. Pardonne-moi vraiment. Ni majimu tu majemu jeri. Ce sont les démons qui sont saisis, se sont saisis de moi. Kom... Weye. Toi. Joseph yangu. C'est toi ma maîtresse. Sina na kwa kwenda. Je n'ai pas où aller. Dada mkristo anatubwaka. La chrétienne se répand. Ibi bwanako anasema unashikia ndio. As-tu entendu ce que ton mari a dit? Tu as encore ajouté, je n'ai rien ajouté. Bapagandu. Fayenne. Bapagandu. Fayenne. Ata kutubwa shiyuwe. Même se repentir, il ne connaît pas. Mais ils sont où? De quoi wapi? À la chorale. Kukwaya. Dans de, l'équipe technique. Ma équipe technique. Il y avait eu beaucoup de prédications là-bas. Mais ça, si tu n'as pas ce qu'il y a. Et maintenant, nous, on a déjà entendu combien. Et qu'est-ce que nous manifestons? Encore une seule parole. Encore une seule parole. Ah, parce que hier, on a malaïka. Ah, nous, il y a un village. Mais toi, tu, tous ceux qui passent ici sont quoi? Ça, ça, vous savez, on a pu t'appeler. Sont des anges pour toi? C'est une malaïka, quoi. Sont des anges pour toi. Et tu agis comment? Ah, on attendait qu'à j'ai. Tu agis comment? On attendait qu'à Dieu. Agar l'ouriaka. Agar est rentré. Observant ce que la parole a dit. Moi, je coutume qu'il est maintenant la mungu erisema. Maintenant, tu connais si la bande va mourir. Ouais, vous nous vivez avec certaines personnes. Vous avez la forme quand? Vous allez vous poser la question. Ils ont quelle forme? Muntu. Vous allez voir la personne. Anashikia pasteur anamupa instruction. Il écoute les pasteurs, ils lui donnent les instructions. Ma banafika munyumba. Mais arrivé dans sa maison. Avant mangaribi. Avant le soir. Anafanya paka bile binye banatoka kubasambisha. Il fait le contraire de ce qu'on a prodigué comme conseil. Vous allez appeler ça quoi? Mutaita sema nini? Et puis à la Sainte Sainte. Je dis que mes amis. Vous trouvez tous ces gens. Non, on va les vendre dans la Caribie. Mutapa nini na bantu ba vile? Que ferez-vous avec des gens pareils? C'est malheureux seulement. Niaole tout. C'est malheureux. Niaole. Pas diacre va namuita muntu tuku bureau. Le diacre appelle cette personne. Anashirika sana nanzo kengula na ba diacre. Il s'irrite tellement à tel point il commence même à regarder. Mais ce sont des anges pour toi. Et ba malaika mbele yako. Comment huyu mwanamke mupagano? Comment expliquer que cette femme païenne? Na Mungu mukumuita kuna monesha sime Agar. Et Dieu en l'appela lui dit Agar. Servante de Sarai. Kijakazi wa Sarai. C'est-à-dire tu n'as pas droit à la promesse. Manake hauna na ruhusa kwa malako. Tu n'es pas connu dans mon programme. Aujulikane mu mapu yangu. Tu n'es pas connu dans mon programme. Aujulikane mu mapu. Maintenant quelqu'un qui n'est pas connu dans le programme. Sasa mtu asipo ujulikane mu mapu yangu. Obéi. Anatii. Mais toi qui es censé être dans le programme de Dieu. Sasa unaweza kusema dans le message du jour, ujumbe wa wakati. Lakini wa uti. Papagano njobe kuba mingi. Ah, c'est parce que nous avons beaucoup de païens ici. Parce qu'un païen frère, Mupagano nduku, il peut être convaincu d'une vérité. Anaweza kuwa na hakikisho sema hii. Mais la vivre non. Anakini kuishi, ashiwezi. Il sait que le Kambof Tabernacle c'est ça la véritable église. Anayua sema Kambof Tabernacle ndio kanisa kweli. Il vit sa vie. Anakuwa tu anekana pale. Mais il vit sa vie. Kisha yuko naishi maisha yake. Il vit sa vie. Yuko naishi maisha yake. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez dans, toujours dans la Bible. Ça n'amène pas comme Bible à où. Il y a eu des sœurs. Pourquoi Badada Bawili? Les sœurs de Lazare. Badada Yaki à Lazare. Marie et Marthe. Marie et Marthe. Frère. Duku. Des fois quand vous lisez ça, wakati lota isoma, utasema est-ce que mine zikwajirivi? Tu diras est-ce que moi aussi je peux agir ainsi? Or. Japo, ces choses sont écrites pour que nous nous tirions des leçons. Ces sœurs ici, Ababadada, sachant que Jésus était un ami de la famille, Lazare tombe malade, Lazare anagonjwa, la situation s'aggrave, mambo inakolea, inakuwa mbaya. Elle les envoie vite le message. Banatuma sana haraka haraka ujumbe kwa Yesu. Le message arrive. Ujumbe nafika. Jésus occupé à autre chose. Yesu alikuwa na makazi mengine. Et pourtant là-bas c'était très urgent. Japo ilikuwa ni mambo ya haraka. Yesu ashikui. Mais Jésus n'est pas venu. Banapima. On a essayé de l'appeler. Perfusion, Mufanye. Perfusion, faisons ceci. Lazare en a coupé. Finalement, Lazare est décédé. Et pourtant, mon message, hein, bien, on avait bien expliqué que ule unapendaka, celui que tu aimes, eko malade, il est malade. Prenez ça, c'est dans Jean 11. Yohane su, mustara, sura kumina moja. Jean chapitre 11. Yohane sura kumina moja. Jean chapitre 11. Yohane sura 11. Verset 3. Musare atatu. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Aba badada bakatuma bamwambie Yesu. Seigneur. Bwana. Sikia message. Hein? Écoute ce message. Voici. Tazama. Celui que tu aimes. Ule unapenda. Est malade. Eko mugonjo. En d'autres termes. Namu nyingine akusema. Arrête tout ce que tu fais. Ushimamishe bile vyote unafanya kule. Celui que tu aimes. Ule unapenda. Est dans l'urgence. Eko muhatari. Huyu mbio ni haraka. Amen. Amen. C'est lui que tu aimes, pas n'importe qui. Ule unapenda, kaina mtu wote wote. En d'autres termes, namu nyingine akusema. Le Seigneur, Bwana, pour ses bien-aimés, Dieu wapendo wake, est obligé de faire quelque chose. Analazimisha bafanshie ko kitu fulani. Est-ce qu'il y a-t-il des bien-aimés ce matin? Eti kukuwa ko bapendo ya asubuhi ya leo. Naonevu mnakuwa bujito. Waevu koma vu devenet. Est-ce que bapendo ya Yesu be kwa pa? Y a-t-il des bien-aimés de Jésus-Christ? Kama bapendo ya Yesu be kwa pa? Si les bien-aimés de Jésus-Christ sont ici. Yesu eko obligé ya kufanya quelque chose. Jésus-Christ est obligé de faire quelque chose pour toi. Qui dit ça? Nani ula nasema hivi? Le message. Ni ujumbe. A-t-il aimé seulement Lazare, Marie et Marthe? Non. Eti alipenda tu paka Lazare, Marie na Marthe bule apana? Il nous a aimé aussi. Alitupenda na sisi pia. Maintenant, sasa, nous pouvons aujourd'hui, tunawezi leo, en allant à genoux, kukwenda kumagoti, Seigneur, Bwana, je suis celui que tu aimes bien. Niku ule unapenda mzuri. Mais je suis dans le besoin. Lakini niku muhitaji hapa sasa. Hapa message ilikuwa très précis. Ici le message était clair. Ce n'était pas en vague. Haikuwa tu ya ovyo ovyo. Celui ule unapenda, celui que tu aimes souvent là. Eko malade. Il est malade. La vie éternelle, bujima milele, c'est vivre pour les autres. Ni kuishi juu ya watu wengine. C'est-à-dire, shimamisha programa ko yote. C'est-à-dire, arrête tout ce que tu as à faire là-bas. Kuya mbele au résultat. Venez d'abord donner solution ici. Mais Jésus, asa Yesu ye. Non, non. Apan. Ça. Laisse passer la situation. Anacha tu le mambo paka vile. Anasema pour montrer que celui que j'aime bien, ule mina penda mzuri, je l'aime, mina umpenda, quelles que soient les circonstances, ata ijapokuwa mambo inafika, ule nta mukuta, dans n'importe quelle situation je le trouverai, vile mina umpenda, je trouverai une solution, minta pata paka jibu. Bate ulebe kwako. Y a-t-il des élus ici? Mushike ça. Écoutez maintenant. Le message du jour commence. Ujumbe ya siku inaanza. C'est ça l'opportunité pour chaque sœur et pour chaque frère. Jo bati ya kila nduko na kila dada. C'est lui. Ule. Ou seul. Wala ule mwanamke. Qui est aimé du Seigneur. Ule mwenye kupendwa na Bwana. Quelle que soit la circonstance. Ijapokuwa mambo ile yanafikia. Quelle que soit. Ijapokuwa. La condition dans laquelle il se trouve. Ali mula anapatikana mwanamke ule mwanamke. Quand le Seigneur arrive. Wakati Bwana anafika. Du fait de son amour vis-à-vis de ses bien-aimés. Ça vile mapendo yake mbele ya mapendo yake. Hata biku compliqué que. Peu importe la gravité. Yesu anatrouva ka solution. Jésus-Christ trouve toujours des solutions. Yesu anapasha kutrouver solution. Jésus doit effectivement trouver une solution. Pas apana paka bila rufanyaka. C'est pas seulement ce qu'il avait fait. Léo. Aujourd'hui. Bale Yesu anesha kupenda. Ceux qui sont aimés de Jésus. On tenu de l'urgence mune banafatigana. Ou atana waraka dans lesquels il est. Soit disant trop tard. Ataka mama sema oh inesha kwa nyumba. Yesu. Dans sa nature. Mwasili yake. Il trouve une solution. Eko napata paka jibu. Je reprends. Le Seigneur Jésus, Bwana Yesu, dans ses habitudes, muma zoezo yake, pour ses bien-aimés, juu ya wapendwa wake, il ne regarde pas à la gravité. Ashangara yake kuwatari, il ne regarde pas mambo. au désespoir. Ashangare mvile munakosa tumaini. Jésus, Yesu, pour ses bien-aimés. Dieu bapenda bake. Frère, Duku, il s'arrange. Eko nafanya. Pour que l'impossible soit possible. Julie le biasipo kuwezekana biwezekane. Il doit faire ça. Anapashu fanya. Si ne le fait pas. Kama shibifanye. L'écriture est fausse. Manake andiko ni ya bongo. L'écriture ne peut pas être anéantie. Andiko ayezi kuanguka. Si il l'a fait autrefois. Kama alifanya zamani. Il est le même Jésus même jusqu'à ce matin. Yesu leo na asubuhi ya leo. Que le bien-aimé saisit. Quel est donc celui-ci? À qui obéissent la mer et le vent? Ulempepo na bahari iko na muti. C'est qui? Ni nani huyo mtu? C'est celui-là. Jo ule. Pour ce bien-aimé. Jia bapendo baki. Il est prêt. Eko tayari. Frère. Nduku. Là où c'est trop tard. Pale bantu wanasema oh kunaisha. Il dit non. Il en a ce mapan. Chez moi. Le mot trop tard. Mambo akusema kunaisha. N'a pas de place. Aikala keko. N'a pas de place. C'est ainsi que l'ont connu. C'est ainsi que Bazamani Barimufamu. Ah, les anciens l'ont connu. Que Uyumungu, que cet homme, c'est Dieu. Je viens de Kalaka. C'est comme ça qu'il a toujours été. Abraham l'a connu comme ça. Daniel l'a connu comme ça. Meshach l'a connu comme ça. Il savait que tout ça c'est neno la mungu. N'abandonnons pas la parole de Dieu. S'il faut mourir, tukufuen. On meurt alors. Mais tu n'as eu aussi mais nous moya. Avons une seule chose. Mungu wetu, notre Dieu, il n'existe pas dans le feu. Même dans le feu, il s'arrange pour trouver une solution. Atapata mopaka jibu. Kama mena ba frère na ba sœur banashikiaka vile. Si les frères et les sœurs comprenaient de cette manière, kwa majimu, tu ne peux pas avoir la folie. Kama mambo na kupita. Dès qu'il y a un problème qui te dépasse, tu diras. Et mambo, dans cette affaire, en tant qu'il met vraiment sa mise pas. Mungu, pas mais mambo. Devant Dieu, il n'y a rien devant vous. Vous allez parler comme ça. Pour parler ainsi, il faut être un homme, une femme, que le Seigneur a déjà vaincu. Nous retournons toujours là-bas. Même si on a vaincu par le Seigneur, c'est fini. Ah là, tu fouilles. Tu vas fouiller. Le message était très précis. Ujumbe ilikuwa wazi. Nous t'envoyons ce message. Tunakutumia ujumbe. Pour ton bien-aimé. Juu ya mupendo wako. Et le message biblique du na temps de la fin. Ujumbe ya Biblia wakati ya mwisho. Et pour le bien-aimé. Ni ya bapendwa. C'est-à-dire, manake, ceux-là qui ont été vaincus par le Seigneur, bale bali tawaliwa na Bwana quelle que soit la situation, ijapokuwa mambo le Seigneur trouve une solution. Eko napata paka jibu. Jésus arrive. Yesu anafika. Trop tard. Oh, banisha muzika. 4 jours après. Masiku ine kisha. Bantu bote banasema. Tout le monde a dit Ata banasema. Même si on dit. Allez te bâcher une contribution. Bon, qui donne seulement sa contribution, c'est fini, bon. Malheureusement, si tu connais bien Jésus, contrôler langage. Tu sauras même contrôler ton langage. Tu sauras comment te comporter. Frère, donc, moi je ne pas comme ça, c'est pourquoi j'ai dit, je suis aussi un bon, humain. Ah, que je le fasse tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Et ce matin, na asubuhi ya leo, il faut que le bubumba fubutoke bantu. Il faut que cette sottise là puisse sortir des gens. Il arrive. Anafika. Regardez la parole. Tazameni msemo yake. Et la Bible confirme. Na Biblia inahakikisha. Verset 5. Mstari wa 5. Or, Japo, Jésus Yesu, aimait Marthe, alimpendaka Marthe, Marie sa sœur, Maria dada yake, Lazare. Na mwenye Lazare. Tulizane maintenant. Mena posunu un peu la Yesu alipendaka paka bale leo kuna bale Yesu alipenda. Jésus aimait seulement ceci. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens que lui aime encore. Hakuna bale Yesu alipenda tena leo. Il n'y a-t-il pas ceux qui sont aimés par Jésus aujourd'hui? Bengine ba lala bushingi. Et les autres somnolent. Il y a-t-il des frères qui sont bien aimés de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a-t-il des urgences dans votre vie? Y a-t-il des besoins compliqués? Y a-t-il des problèmes compliqués? Je vous dis en toute simplicité, saisissez cette occasion. La Bible est pleine des opportunistes qui savent que c'est ça le moment. Jésus est présent. C'est fini, mon problème trouvera solution. Est-ce que pourquoi pas Christ? Y a-t-il des véritables chrétiens? Avançons. Jésus lui-même confirme que j'aime Marie, Martha et Lazare. Mais la question à Jésus. Ça, tu m'oublies Jésus. Connais-tu pas donné un jour pour c'est fini sur toute la terre. Y a que cela que tu aimais? Non. Apana. Dieu a tant aimé le monde. Mungu alipenda sana ulimwengu mzima. Dans le monde qui sont là. Mudunia mzima ni banane beko. Na mimi kumule. Dieu a tant aimé tant. Mungu alipenda sana. Mais ici seulement il aimait. Anakini hapa wasema alipenda. Mais pour nous, kwetu sisi, tant aimé. Alipenda sana. Et pour prouver son amour à notre égard, il s'est donné en sacrifice. Afin que quiconque croit soit parmi les bien-aimés. Maintenant les bien-aimés qui ont été triomphés par Jésus ont droit à ce que Jésus accorde. Pas demain. Afana kesho. Kile Yesu anafanyaka mumukusanyiko wa batoto yake. C'est que Dieu fait dans afanyie kyo bambalari bapendo yake leo. Kile fasa se viene meo jomi. Kile Yesu kuna kusanyika. Ni kitu na kusuma Yesu. Anekalaka nafanya ki. Jua bapendo wa bache. Il fait pour se bine bina bangaisha. C'est qu'il leur tourmente et leur accorde la solution. Avançons. Tusonge mbele. Verset 9. Mstari akenda. Pardon, 7. Mstari saba. Et il dit aux disciples, nakambia wanafunzi, retournons en Judée. Turudie ku Yudea. Maintenant suivez. Sasa mfuate. Les disciples lui dirent, wanafunzi wakamwambia, Rabbi, mwalimu, les Juifs ont tout récemment cherché à te lapider. Apa yakawia bayuda baranzo tafuta kupika mawe. C'est là on voulait te lapider, tu vas retourner là-bas. Mnamlengira kusema. C'est compliqué, c'est dangereux pour toi. Ni hatari kwako, abina abiwezekani. Parce que sinon unatoka kuéchapper au danger. Tu viens d'échapper du danger. Mais tu l'aurais monté là. Qu'on y retourne encore comment? À cause de ce bien-aimé. Wajili abapenda baki. Là où il y a danger. Pale peko hatari. C'est là que Jésus arrive. Njo pale Yesu anafikaka. Va Christ nous saisir maintenant. Les chrétiens saisissent. Là où il y a danger. Danger de quoi? Danger de mort. Y a-t-il un danger de mort pour vous? Oui. Quand vous vivez avec une maladie chronique, c'est un danger de mort. Vous êtes en danger de mort. Mais que doit faire Jésus? Hata Yesu anapashu fari. Pour ce bien-aimé. Je vapenda baki. Même là où la vie doit lui coûter ce que cela demande. Hata pale nesu kumulomba atakufa. Il trouve une solution. Anapata jibu. J'ai besoin qu'on trouve une solution pour chacun de nous. Nina itaji valete jibu kila mmoja wetu. Est-ce que ce sont mes paroles? Eti ni misemo ya Mungu. Ni misemo ya Bwana ina yangu. Écriture, andiko yote de Dieu. Inatokea kwa Mungu. Et puisque ça vient de lui, inatokea kwa Mungu. Il doit la confirmer. Ina anapashi kuyahakikisha. Msinichanga. Il faut pas m'étonner. Hapa ni mtu na mtu imani yake. Ici c'est chacun sa foi. Yesu anapasha kuhakikishia kila dada kila nduku bapendwa bake. Maneno yake. Jesus confirme à chaque frère, chaque sœur, à ce bien-aimé sa parole. Il y a des gens qui ont des problèmes qui dépassent leur entendement. Il y a des gens qui sont dans des complications. Il y a des gens. Il en a ce qu'il ce qui est difficile, impossible. Maintenant Jésus. Ça y est. Croise-t-il les bras? Et tu as fait qu'à la tout? Apana. Non. Apana. Je viens de trouver une bonne écriture. Natoka mkupata ndiko mwa mzuri ça. Na terminons ça. Tumalize kwanza hii. Je fais une petite parenthèse. Na wewe fungula kwanza mkato. Suivez maintenant tranquillement. Mfate mzuri. Bakulala mulamuke. Vuki somnole reveu. Usiki. Écoutez. Il y avait un paralytique à la piscine. Ulikuwa kiwete kule Il y avait fait 38 ans. Arifanya miaka 38 sans solution. Bila jibu. Quand Jésus est arrivé. Wakati Yesu alifika. Frechizi kalamuka. Frechizi karevetoa. Quand Jésus est arrivé. Wakati Yesu alifika. Regarde maintenant burkalamusha shetani. Regardez la vie de Satan. On est que bandu watezi ro kaje bandu wapase jibu. Bakulala bananskula. Mais yana ki dorme. Comment Satan peut faire ça? Vous akali shetani atafanya na mumu inetikia. Jésus arrive. Yesu anafika. Quand il est ici ce matin. Wakati kwa hapa asubuhi ya leo. Pourquoi? Jua nini? Il y avait un problème. Pourquoi mambo? 38 ans après. Miaka makumi tatu na nane sans solution. Bila jibu. Et Jésus est arrivé. Na Yesu anafika. Il trouve le paralytique. Anakutolo wa kilema wa kiwete. Veux-tu être guéri? Yesu unapenda kutunzwa kupona. Je n'ai personne. Nishi na ramundi. Dans ma condition ici. Mwali yangu humu. Il n'y a aucune solution. Hakuna jibu hata moja ile bantu baripata. Et vous réalisez que vous êtes dans la même condition que ce paralytique. Kama ukifumbula sema kumwali mwana wa kiwete. Mais Jésus est ici. Yesu asubuhi ya leo hapa. Mais comment avez-vous manqué une occasion comme ça? Sasa nini utakosa bahati ya hivi? Dites aussi dans votre cœur. Na wewe useme moyo wako. Seigneur. Mwana. Mwi mambo tuko napita mdo wa yangu. Je n'ai personne d'autre. Si c'est toi. Dans cette vie dans laquelle je suis. Si c'est toi. Dans cette maladie je n'ai personne. Si c'est toi. Si y en a ceux qui sont dans cette condition. Ça ne demande pas une autre prière. Jésus qui est ici. Le prophète de la parole. Il doit accomplir sa parole. Il doit confirmer sa parole. À moins que ça ne soit pas Jésus. Et c'est pourquoi comme il y a Jésus. Continuons. Tu veux nous faire retourner encore dans les dangers. Mais danger, dans les dangers où il y a ses enfants. C'est là où il y a ses enfants. Ça, ça pas ni. Maintenant qu'il fasse bon, quoi? Il va toto yaki. Et ce sont ses enfants. Il doit y retourner. À la page Urubi, amo. Si tu veux mon danger, nous sommes dans les dangers. Mais comment frère? Il y a des frères. Comment Jésus se fait-il? Si Jésus ne fait rien. Attendez-le, ça vous dit masturber. Il faut continuer à se masturber. Inalanda. Est-ce que je mens? Mais comment frère? Il y a des frères ici. Bengari na futa na kuno mampo. Il continue à fumer, boire de l'alcool, continue à commettre des actes. Si Jésus ne fait rien, comment Jésus se fait-il? Atakufa imui na munda. Il y a des sœurs ici. Dadap. Frère. Donc, sondez le cœur, vous allez vous tenir à la vie. Il y a des sœurs ici qui ont besoin d'être épousées. Comment Yesu asifaki tu? Est-ce que vous t'amenez dans les mariages? Mais c'est un danger. Les années avant. Il faut que Jésus trouve une solution. Maintenant Jésus qui doit trouver une solution est parmi nous. Satan veut vous faire somnoler. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Tu es en danger. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est dans des compliqués? Tu es dans la situation 1, 2, 3 ou 4. Et ça coïncide. Oh, mais médecin est en train de faire le tour de Mugange la salle. Mais toi, ta situation est en train de se faire. Dans les langages des gens, nous disons quoi? Lorsque ça les complique, nous étions étonnés. Docteur tour de salle, dans le 4e pavillon. Il a commencé le tour de salle dans le 4e pavillon. Mais ce jour-là, il a commencé par ici. Benjamin, on a ce docteur du 3e. N'est-ce pas d'habitude, tu commences par là, non, on commence par ici. Premier pavillon. Pourquoi? Gianni, c'est ta chance. C'est comme ça qu'on a toujours dit. Vraiment, Dieu a arrangé docteur la chose. Il a l'habitude de commencer par là, il est venu. Mais ce jour-là, il a commencé par là où nous étions. Il commence au premier, deuxième, troisième. Arrivé sur... C'est à cette période que les choses sont compliquées. Si le médecin n'était pas arrivé, je ne sais pas ce qui c'était. Et ça, c'est où est Jésus, le voici dans ton pavillon. Si Jésus ne vient pas, ça sera compliqué dans ton mariage. Est-ce que j'ai mort? Dans les cœurs ici, n'est-ce pas, vous avez besoin d'être épousé. Il y en a des gens qui ont besoin de se marier mais n'ont pas d'argent. Si Jésus ne fait rien, qui va donner la solution? Est-ce que c'est moi? Ce n'est même pas moi. Il faut que Jésus donne une solution. Il est dans le pavillon. Et comme un chumba moule uko. Ah, voilà l'écriture. Matthieu 9. Matthieu 15. J'ignore le verset. Mena sabu mustari. On peut lire ça, on va revenir. Matthieu 9. Matthieu 15. Matthieu 9. Matthieu sura 15. Verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Suivez maintenant. Est-ce qu'il y a-t-il des gens de mauvaise vie ici? Oui, il y en a. Je ne vous demande pas de lever la main. Y a-t-il des frères et des sœurs qui ne vivent pas la parole? Oui, il y en a. La Bible les appelle des gens de mauvaise vie. Et Jésus est dans son tour de salle. Tour de salle à Yesu, le tour de salle de Jésus-Christ aujourd'hui l'envoie à Kambo. Pourquoi? Gianni? Il y a des frères et des sœurs de mauvaise vie. Au balcon. Au balcon là-bas. Sommes-nous ensemble, levez un peu vos mains là-bas. Y a-t-il des gens de mauvaise vie? Tous, on dit anciens. Ah, pasteur, ici, les pasteurs vont nous remarquer. Vous y êtes dans mon cœur. J'ai déjà vieilli, j'ai pris des larmes. Ceux qui sont dehors. Y a-t-il? Répondez. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, mon frère. La sincérité Waki est exigée devant Dieu. C'est Mamouro. Dites dans ton cœur. Ancien ouetou, je suis un homme vraiment. Nikumuntu wa maisha mbaya. Bale mumando abone ci compliqué. C'est une bonne vie. Il y a des complications, c'est une maisha mzuri. Bale mumando wa hapa niko nasema. Dans leur couple, ne se parle pas. Wa kukatala kulala ukitanda pe biku pata kile compliqué. Les autres au lit, c'est toujours compliqué. C'est une bonne vie. Est une maisha mzuri. Celui qui ne peut pas la dire. C'est une vie digne de l'évangile. C'est une mauvaise vie. Les gens qui s'absentent de l'église. Ceux qui fuient la prière. C'est une vie digne de l'évangile. C'est une mauvaise vie. Mais vous êtes ici. Et Jésus vient d'entrer dans le paradis. Le grand médecin. Munganga mukubwa. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains, les gens de mauvaise vie? Jésus les ayant entendus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Regardez. Beaucoup de gens de mauvaise vie, beaucoup de gens de malades, mais regardez médecin, un seul médecin. On ne dit pas des médecins. Mais moya. Mais un seul médecin. Et qui est ce Jésus médecin? Jésus-Christ. Ah, ici, n'est-ce pas, il y a des frères, il y a des soeurs. Commençant par moi. Il y a des gens qui sont malades. La situation est déjà difficile pour eux. Mais pour eux, bon, je continuerai à boire des médicaments comme ça. Pourquoi? Gianni, les médecins de ce monde, Munganga wa iduni, Banganga wa iduni, Arinyandike ni kujoka madawa. Jésus bien aimé, mwanamke wa wanaume wa Bwana. Jésus va-t-il te laisser comme ça? Et Yesu atakuacha mwili ali? Que fait-il pour ce bien aimé? Et on a fait une job à peine. Même là où ça devient compliqué. Ata pale vitu vinakuwa nguvu. Et que sa vie doit être mise à prix. Na maisha yake mapasha takuitoa. Jésus doit faire quelque chose. Yesu anapasha kufanya ko kitu. Il continue. Anendelea. Verset 13, kumwisho. Car je ne suis pas venu appeler des justes. Mais des pécheurs. Alakini batendazambi. Jean 11, on retourne là-bas et on évolue pour terminer. Yohane 11, tuendelee pale. Bantu ba mama isa mubaya. Les gens de mauvaise vie. Bagonjwa. Des malades. Ba mama tatizo. Ceux qui ont des difficultés. Retenez une chose. Mushike kitu. Jésus est dans la salle. Yesu anaingia mchumba. Mwae mushinyangare mi José mundu. Nemeregarise pa. Moi, José, une personne mais je vous dis que Jésus est dans la salle. Comment on reconnaît sa présence? Par la parole et par le Saint-Esprit. Comment Agar a-t-elle su que c'est Dieu? Retourne. d'où tu viens. Natokea, et humilie-toi. Na Agar a compris que c'est Dieu. Agar arelewa, asema, huyo comment vas-tu reconnaître que c'est na Dieu? Kani utajua, asema, ni Mungu? Pas parce que j'ai une veste. Aina jumi na vala koti. Sa parole. Ni kupitia neno lake. Ça suffit. Pour que les gens de mauvaise vie. Bantu ba maisha mbaya. Les malades. Bagonjwa. Les situations compliquées. Venye mambo ya nguvu. Trouve une solution. Bapate jibu. Maintenant na wewe mwenyewe muro. Toi-même dans ton cœur. Parle comme ce paralytique là. Useme sa ule akili lema wakiwete. Mishi na namutu. Pour me jeter dans. Jua kunitupa mumai. Sema ke je n'ai personne. Dite que mishi na namutu. Mishi situation tu kunapita mnyumba. Dans cette situation je traverse dans la maison. Je n'ai personne. Mishi na namutu. Même mon père, ata baba yangu, même ma mère, ata mama yangu, même le pasteur, ata pastori, même toute l'église, ata kanisa yote mzima, même la police, ata ne police, peut rien. A Yesu msaidia. Ici, ça demande Jésus. Inalomba paka et Yesu. Jésus na Yesu est en train de faire le tour de eko na shunguluka mchumba. Avant qu'il n'arrive à votre lieu, parlez déjà. Useme, préparez la phrase, je n'ai personne na mutu, pour ma situation. Jia mambo yangu. Jean 11. Yohane sura 11. Jésus arrive. Yesu anafika. Regardez la bonne attitude. Nasemeni hali mzuri ya kutenda. Verset 21. Makumbi na moja mstari. Jésus était encore très loin. Yesu alikuwa angaliki mbali. Verset 20. Mstari makumbi. Lorsque Martha apprit que Jésus arrivait, wakati Martha alijua sema Yesu yule anakuja, elle alla au devant de lui. Akaenda mbele yake. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Lakini Maria yeye alibakia tu mwenye ikala munyumba. Lorsque toi, ma sœur, wakati lewe dada, toi, mon frère, kuyang, lorsque tu entends le Saint-Esprit dire ce matin, que Jésus est dans la salle, ya komba Yesu en train mchumba, de faire le tour du pavillon et qu'on a Kambo. Que dois-tu faire? Unapashi ufanye konini? Présente-toi vers Jésus. Ujipeleke mbele ya Yesu. Seigneur, umwambie Bwana, leo njoo leo. C'est aujourd'hui ou jamais. Ni uyu. Mais voici. J'avais accepté que mais c'était déjà fini. Une parole neno, prouvant que c'est yenye kwa kikisha ya kwamba ni wakati yangu leo. Dada mba mfungule masikio. Na ouvre grandement les oreilles, mes soeurs. Je ne ferai pas de très longues prières. Mishita omba maombi mrefu hapana. Marthe dit à Jésus, Martha kamwambia Yesu, Seigneur, Bwana, si tu avais été ici, kama ungekuyaka hako hapa, mon frère ne serait pas mort. Ndugu yangu asingekufa. Oui, Yesu papashi. Toi, Jésus a un endroit. Magonjwa résiste. Que la maladie résiste. Yesu we pale. Jésus, toi là-bas. Va, mutendanzambe bakie paka mwana mutendanzambe. Que les pécheurs restent toujours pécheurs. Tribaliste bakie paka tribaliste. Que les tribalistes restent oui, toujours tribalistes. Toi, Jésus là-bas présent. Bakubuko pata mandoa bakose ndoa. Ce qui manque de mariage, il peut se manquer. Yesu vient le muntu mwingine. C'est Jésus ou c'est quelqu'un d'autre? Kama ulikuwa hapo. Si tu c'était là. Lazare wetu ashikuta kufa. Lazare ne pouvait pas mourir. Kama Yesu yuko papa. Si Jésus est quelque part. C'est-à-dire mambo inapaswa kupata nini? C'est-à-dire le problème doit avoir quoi, une solution. Kama mambo yako nguvu. Si le problème devenir dites que il faut présence à Yesu hapa. Il faut la présence de Jésus ici. Na Yesu mimi nakwambia sema Yesu kwa mtour de salle. Je te dis que Jésus est dans le tour de salle dans Kambof Tabernacle. Si tu étais ici, si comme ungekuwa hapa, ana mkorije Martha. Ah, na korije Martha non. Là tu parles comme si c'est trop tard. Unasema sasa inakuwa nyuma. Chez moi il n'y a pas de trop tard. Wangu akikalaki mambo akuchelewa. Pour mes bien-aimés. Dieu mapenda wangu. Dans la lettre vous m'avez signifié que c'est celui que j'aime bien. Mimi onesha sema ni yule mimi napenda mzuri. Mimi je suis là. Sasa mimi huyu mimi nafika. Je suis la solution. Mimi ndio jibu. Mwa mshangare ku gravité. Ne regardez pas comme ça. Ya miaka. Mshangare ku gravité. Ne regardez pas. Ya chômage. Ma chômage. Yesu est quoi pas? Jésus est ici. Yesu est quoi pas? Jésus est ici. Uchangalie ku gravité ya mambo yako. Regardez pas quoi tard de ton problème. Yesu est quoi pas? Jésus est ici. Yesu est quoi pas? Jésus est ici. Ba Mungu va saisir occasion. Que ceux qui sont de Dieu puissent saisir cette occasion. Jésus est là. Si tu avais été ici. Kama ungekuwa hapo hapa. Mais angaramu huyu mwanamke ufunulo. Regardez cette femme. Verset 22. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vraiment, le cœur risque d'exploser. Donc tout ce que Jésus peut demander, c'est toi. Le ciel doit l'accorder. À qui? À ses bien-aimés. Tout ce que Jésus demande, le ciel le doit accorder. Tout le monde est ce Seigneur. Mais dis-lui que voilà. Mais voici. Combien quoi qu'il calme que vous salamez mandoa. Au ciel n'y a-t-il pas de prêts dans les mariages? Mais voici. Combien quoi qu'il calme que vous mandoa. Au ciel n'y a-t-il pas de mariages? N'y a-t-il pas d'enfants? Bien bien les a kabula. Que le ciel donne. Aujourd'hui te voilà dans les tours de ça. Ne me passe pas. Ne passe pas loin de moi. Commencez par là où tu vas commencer. Mais néanmoins je t'attends ici. Combien attendent Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ soit Jésus-Christ puisse passer auprès de chacun de vous. Tout ce que tu demanderas. Je sais que pour nous les hommes, c'est trop tard. Mais ce que toi tu as toujours demandé. Le trop tard change devient le temps. Le trop tard doit changer. Ça devient le moment favorable. C'est dans ce temps que tu devais nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont mes paroles. Ce sont les paroles du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur fait vis-à-vis de sa parole? Il l'exécute. Et qu'on a utilisé. Il doit veiller à ce que toute sa parole soit confirmée. Amen. Amen. Amen. Amen. Jésus lui dit. Ton frère. Doit ressusciter. Atafufuka. Ton frère. Dukuyako. Doit ressusciter. Atafufuka. Ana pashi kupata ndoa. Ta sœur. Dada yako. Doit avoir le mariage. Ana pashi kupata ndoa. Ton frère. Dukuyako. Doit quitter la vie du péché vers la vie. Ana pashi kutoka mu maisha ya zambi na maisha ya mshima. Dukuyako. Doit arrêter de se masturber. Ana pashi kushimamisha udimasirbe. Ton frère Dukuyako, ou ta soeur voilà, dada yako, doivent arrêter d'être esclaves des séries télévisées. Les alcooliques, les tribalistes, tous les gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, Léo, soit ça s'arrête, voilà, ishimame, soit Jésus n'est pas Dieu. Voilà, Yesu kumbi, ana Mungu. La foi vient des traditions kassaïennes. Ou qui kabila qui kassaï. Non. Apana. La foi vient des informations politiques. La foi vient de ce que Jésus a déclaré. Imani kunatokea kukile Yesu anasema. Munaona. Préparez vos cœurs. Mutayarishe mioyo yenu. Wewe mwenyewe kuenumere bile viko hapo. Tuambie nimeru uhesabie ce qu'il y a. Il y a un homme dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Peut-être ton cas est présent ici. Mais il y en a aussi dont les cas ne sont pas ici. Pourquoi? La Bible a donné un modèle à suivre. Les centeniers, mon serviteur est malade à la maison, à l'agonie. Ah, mais kufa. Quand il parlait les centeniers là, Jésus était là. Si toi tu dis un mot, tout ce que tu demanderas, mon serviteur là-bas sera guéri. Peut-être votre cas, votre besoin, c'est quelqu'un qui n'est pas physiquement dans cette salle. Vous qui suivez à l'internet, préparez aussi vos cœurs. Ton cas est où? Peut-être c'est un oncle, un papa, mbaba, une maman, mama, un neveu, voilà, une nièce, mouipua, ton fils, ton frère. Mais Jésus est dans le tour de ta. Jésus, là, parle. Oui, comment n'est-ce pas qu'il t'endort? S'il arrivait à ton cas, c'est à toi de nous dire ce qui ne va pas. J'ai un enfant. Angara situation. Regarde nous présentons avec toi on a Lubumbashi. Il étudie à l'université. Muzaziangu. Mon père ou mon parent. J'ai besoin qu'il puisse croire. Mwanaume ou mwanamke. Et ça soit ma mère ou mon père. Petite sœur. J'ai besoin que ma sœur elle puisse croire. C'est lui qui sauve les gens, c'est toi. Mais voici avec toi. Mungu urisaidia Mungu mutour de ça le Léo. Il faut ni semer bien. Je donne tout de ça. Il faut que je te dise tout pour que la situation puisse avoir une solution. Quand Marie et Marthe parlaient, Marie et Marthe Lazare était où? Il était dans la maison. Il était arrivé il est nyumba. 4 jours. Masikuine. Parti. Mutuburi. Bon. Les deux sœurs. Devant Jésus. Quand tu parles, quand on est avec toi ici. Wakati tu kunaweya. Où sont tes enfants? Batoto yako beko wapi? À la maison. Beko kumulango. Où est ton papa? Baba kwe kuwapi? Je ne sais pas. Atuye kuleko. Où est ta mère? Mama kwe kuwapi? Très loin. Eko mbali. Mais Jésus est où? Alakini Yesu avec quoi? Nous. Eko na sisi hapa. Où sont les maris et les mères? Ba Maria na Marte kwe kuwapi? Manapashi kwa hapa. Suivez maintenant, je suis en train de chuter. Mufate sasa mina fekumanisa. Kama nalala kuna kwisha. Si tu dormes, ça n'est fini pour toi. Usiseme unikuya kubiro ansiente na unye. Venir au bureau pour non, c'est imani, la foi. Ina seziraka, bale Yesu kuna sema. Lorsque Jésus parle. Jésus lui dit. Yesu akamwambia. Ton frère ressuscitera. Duku yako atafufuka. Regardez maintenant. Tazameni sasa. Verset 27. Na kumbina saba. Elle lui dit. Akamwambia. Oui, Seigneur. Dio Bwana. Je crois. Mina amini. Que tu es le Christ. Ya kwamba wewe uko Kristo. Le Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Qui devait venir. Ularipashi kuja mudunia. En d'autres termes. Muna muna ingina ya kusema. Wenjo Mungu. C'est toi qui es Dieu. C'est-à-dire, we, ivi wenjo Mungu. Comme c'est toi qui es Dieu. Vyote vinawezekana. Tout est possible à toi. Njo mena. C'est ça la dernière parole. Yes, oui, njo Mungu. Jésus, c'est toi qui es Dieu. Ce que tu peux faire, tu peux le faire. Hakuna mtu atakushimamisha. Il n'y a personne qui peut t'arrêter. Je termine maintenant. Ça. Je suis dans Acte. Niku matendo ya mitume. Un monsieur, mtu moya, connu, mwenye kujulika, chaque jour, kila siku, demandien, alikuwa wa kulomba lomba, devant le temple, mbele ya hekalu. C'était connu comme ça. Alijulikana vile. Pierre, Petro, Jean, Yohane, allant à l'adoration. Marko naenda kwa budu. Pour le monsieur, kwa ule bwana, bakuingia banipeko quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a entre mettons quelque chose pour que j'aille. Mais cette fois-là, ça ça il est siku. Ce n'est pas l'argent. Aikukwe feza. C'était plus que l'argent. Il kwa ya kushindia feza. Cette fois-ci, ça, ça pas. Ce n'est pas seulement ce que dont tu as besoin. Aina paka ile wewe unahitaji. Tu vas tous les jours. Mungu akeuze ko bibi yangu. Mungu akeuze ko bwana yangu. Transforme ton mari ta femme. Mungu akeuze ko baba yangu. Mungu akeuze ko ton père, tes enfants. Que Dieu fasse ceci. Aujourd'hui, c'est plus que cela. Ni kushindia bila unalomba kila siku. Acte chapitre 3 verset 6. Matendo mitume 3:6. Prenez ça pour terminer. Oui, chukue jua kumaliza. Acte 3. Matendo mitume 3. Acte 3. Matendo mitume sura 3. Chapitre 3. Sura 3 wa matendo mitume. Verset 4. Msare aine. Acte 3, verset 4. Matendo mitume 3. Pierre, de même que Jean, Petro pamoja Yohane, fixa les yeux sur lui, akamwangalia, et dit, nakumwambia, regarde-nous, utuangalie, et il le regardait, akabangalia, attentivement, na utaratibu, s'attendant, alikuwa anachunga, à recevoir de, ye kwabo, ce qu'il reçoit chaque jour, il anapokeaka kila siku, na weye burukuya, toi aussi tel que tu es venu, attend que Jésus, ukunachunga Yesu, afanye kupaka bile wono wazia, qu'il fasse de toi ce que tu veux ou ce que tu penses. Amen. Amen. Alors Pierre lui dit, basi Petro hapa ina mambo ya makuta au ya zabu. Ici n'est pas question d'argent. Hapa ni upate kile kinapita pesa na zabu. Ici il te faut recevoir ce qui dépasse. Ni nani ni Yesu Christ. C'est quoi? C'est Jésus Christ. Inalomba Yesu Christ. Ça se demande à ce que Jésus Christ. Nabumanjia mbushimame. Et que même la mendicité puisse s'arrêter. Amen. Amen. Mon situation frère Wiko. Dans la situation tu devrais être mon frère. La situation tu devrais être mon frère. Même ceux qui suivent. Atabale wantu fata. Parle pas des zones. Mutandao. Mon situation Wiko leo. Dans la situation tu retrouves aujourd'hui. Mambo ilo iku na itaji jibu leo. Les difficultés demandent la solution. Inalomba Yesu Christ. Ça se demande à ce que Jésus Christ. Inalomba Yesu Christ. Ça demande à Jésus Christ. Inalomba Yesu Christ. Ça demande Jésus Christ. Maintenant que vos cœurs soient préparés. Ça mieux yenu iko tayari. Inalomba paka Yesu Christ. Ça demande seulement la présence de Jésus Christ. Mon mambo mule mukuba frère. Dans toute difficulté où se trouvent les frères. Ma activité ba frère. Les activités des frères. Yaba sœurs. Des sœurs. Ma mambo ba sœurs. Les difficultés des sœurs. Yote. Tout. Maintenant, regardez-moi attentivement. N'attendez pas à recevoir quelque chose de moi. Tout ce que j'ai, c'est de vous présenter cette parole. C'est de vous dire que Jésus est dans la salle. Et que chacun peut saisir l'occasion. Chacun peut saisir l'occasion. Chacun peut trouver une solution. Inclinons nos têtes maintenant. Médite sur ton problème que tu as. Bilo kuna besoin Yesu afanye. Ce que tu as besoin que Jésus puisse faire pour pourquoi toi. Pourquoi? Dieu a dit. Il est dans la salle. Dieu a neige ingia muchumba. Frère, si tu n'as ça, tout ce mouvement de divination. Ah, tu n'as ça au tiba ba kula kushaba. Pour dire. Pour faire des grimaces. Mais mon Dieu, c'est mon Dieu qui parle. Ceci et cela. Jésus agit à la plus grande simplicité. Tout ce que je sais, ce ne sont pas mes paroles. Aina misemo yangu et comme ce ne sont pas mes paroles, aina misemo yangu, le Seigneur Jésus Mwana Yesu, n'a jamais cessé n'a jamais de confirmer sa parole neno par des signes, kupitia maalama, de prodiges, na maishara, et de miracles, na miujiza, et de salut. Il doit le faire. Maintenant. Sasa. Ni nani muisan. Qui est celui dans cette salle? Mwanaume ou mwanamke? L'homme ou la femme? Anona kusema vya kweli. Qui voit que véritablement. Leo mimi napeleka maisha yangu kwa Yesu. Aujourd'hui je vais livrer ma vie à Jésus-Christ. Mambo ni kunayo. Le problème que inalomba nipeleke tu maisha kwa Yesu. La demande que je puisse offrir ma vie à Jésus. Kunaisha mambo yote tapata jibu. Tout problème aura solution. La musha mukono. Lève ta main. Ukuye ku balcon, ukuye chini. Que tu sois au balcon, Bwana nibariki na mukaribie kumbe. Que le Seigneur vous bénisse approchez. Mambo muku nayo. Le problème que vous avez. Inalomba Yesu Kristo peke. Ta demande la présence de Jésus Christ. Weye kumwamini. De croire en lui. Na Yesu mukuingia mumoyo wako. Yesu anatron dans ton cœur. Yesu eko na leta jibu kuma accorde la solution à toutes tes problèmes. Bon, la musha mikono, tous ceux qui ont levé leurs mains. Ukuye ku balcon iko chini ba karibia kumbelo. Approchez-y devant. Mambo kunayo nalomba wewe kuamini d'abord. Les difficultés que tu as, ça demande que tu croies d'abord. Auyamini d'abord. Tu n'as pas d'abord cru. On appelle kuamini ça. Si tu veux croire. Ni silombe kombea bagonjwa sasa. Je ne demande pas de prière. Ni kunalomba bale banaamini. Je demande à ceux qui croient. Banapenda kubatiziwa. Qui veulent être baptisés. Bwana mibariki mushimame. Que le Seigneur vous bénisse, mettez-vous debout. Mushimame. Mettez-vous debout. Na mukuye kumbelo. Et approchez ici devant. Kuya huku kumbelo. Venez ici devant. Leo ni siku yako, dada, aujourd'hui siku yako ton jour, mon frère, ton jour, ma soeur. Kuya tu. Venez seulement. Na amini akusema. Crois que. Pale batakuweka mumaji. Lorsqu'on va te baptiser. Aina mimi takombea. C'est pas moi qui prierai. Yesu. Jésus. Ukwe mugonjwa atakutunza. Atakufata kumaya na kutunzia kule. Yesu. Jésus. Ukuye na mambo kani. Que tu aies n'importe quel ataleta jibu. Il te donnera la solution. Jom tabia ya Yesu. C'est comme ça qu'il a raconté. Wewe muamini d'abord. Croyez-le. Na Yesu yepe. Je suis lui-même. Yesu anapaswa kujibu ku mambo yako yote. Jésus-Christ répondra. C'est comme ça qu'il a toujours fait. Ni nani mwingine atajiajouter ku bafrere na bajada à ses frères et à ses sœurs. Tuko na bicho yetu yene kuinamisha. Nos têtes inclinées. Hakuna dada mwingine, nduku mwingine. Il n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre, une sœur ou un frère? Bwana kubariki dada. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. Nous avons 6 frères et 2 sœurs. Tukuna banduku sita na badada mbili. Karibia dada, karibia nduku. Approchez ma sœur, approchez mon frère. C'est ça le temps favorable. Injo wakati ya mafaa. Jésus est dans le tour des salles. Yesu kunazunguka mchumba. Pour sauver. Dieu akokola. Délivrer. Na kukomboa. Et guérir. Na kuponya. Et faire tant de solutions au problème de ses enfants. Na kuleta majibu mingi kumambo ya mtoto yake. Mwamini tu. Croyez seulement. Mweba frère bote mukwa. Vous tous les frères qui êtes ici, c'est Pale mwiko. Là où vous êtes. Tubu. Repentez-vous. Tubu. Repentez-vous. Sema Seigneur, mimi sikuiwa tena. Bwana, je ne le savais pas. Hivi leo unapita mchumba humu. Menako aujourd'hui tu es passé dans la maison. Unirumie kwa sana maisha yote vile ndipo natembele. Toute ma vie dans laquelle je marche. Nikuwa naishi vile mimi nataka. Je vivais selon ma volonté. Nakunwa na futa na sharashika. Je vivais, je commettais adultère. Nikuwa na repenta vile mimi nataka. Je me maquillais ma volonté. Nianza kufanya kia kwetu vile mimi nataka. Je vivais selon ma tradition. Sikuyue. Je ne savais pas. Ndikuwa na chuki ya bantu. J'haïssais les gens. Ndikuwa na muka ona bantu. J'avais la jalousie contre les gens. Ndikuwa na matusi. J'avais d'insultes. Omnyo monese bio du fond de ton cœur. Toi-même dis-le-lui. Monese sema Seigneur uneniua. Dis-lui, Bwana, tu me connais. Hata nikurapele vile nditu ndikembe. Attendez que je te rappelle comment j'ai marché. Frère, tosha mikono mufuku. Mon frère, funga macho, ferme les yeux. Natubu. Et repens-toi. Jo wakati yako. C'est ça ton temps. Yesu anasaidiaka bantu atoro kwa mu esprit kani. Jésus aide les gens. Profitez imomana wewe okolewe totalement. Profite ce moment pour mapepo mchafu inatokaka bantu wote wanakaribia Yesu. Les démons sortent de tous ceux-là qui s'approchent de Jésus-Christ. Mombe pale mwiko. Priez là où vous êtes. Si le choriste peut nous entonner. Kama kwa yenezu tutumia wimbo. Chante ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô sauveur de moi. Si vous êtes tous imamés, mettons-nous tous. Wakati korali kuna imba, wakutubu watubu, wakulata kwacha maisha yote kuchafu atiria, hapa Yesu kwa mjumbe sana, kukula roho yako, tafuta Yesu akutembele, wakati tutamusimamisha bakombea, afami ni kweke mkono, Yesu afanye kelke shoto mu maisha yako. On va venir à Yeshua comme Seigneur. C'est maintenant ou jamais. On y touche mon esprit au tabouchard. On y touche mon esprit au tabouchard. On y touche mon esprit au tabouchard. On y touche mon esprit au tabouchard. On y touche mon esprit au tabouchard. On y touche mon esprit au tabouchard. On y touche mon esprit au tabouchard. On y touche mon esprit au tabouchard. On y touche mon esprit au tabouchard. On y touche mon esprit au tabouchard.